Amis auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue dans cette 129e émission de Oz et Jazz à tous les étages, saison 5, épisode 22, toujours avec notre Bacchus, ce générique de Nicolas Gardel et les Headbangers qui nous accompagnent depuis les 5 saisons déjà de cette émission. Et voilà, avec un début de soirée qui va commencer dans la chaleur du sud des États-Unis, puisque dans notre rubrique générique, nous allons élaborer. Aborder la musique d'un film assez récent d'ailleurs. On fait souvent des retours en arrière dans les années 60, mais là c'est les années 2000, puisque on va parler du film Green Book, ce film dans lequel Mahershala Ali jouait un pianiste noir américain partant en tournée dans les États du sud des États-Unis en compagnie d'un chauffeur assez haut en couleur, on va dire, Tony Vallelonga, joué par Viggo Mortensen, qui le trimballait comme ça de ville en ville pour sa tournée du sud des États-Unis. Et évidemment, tout ne se passait pas de la meilleure des façons, puisque à l'époque, dans les années 50, l'égalité des droits entre noirs et blancs n'était pas encore le cas, n'était pas encore mise en place par la loi de 1964 aux États-Unis. Et donc, tout cela n'allait pas de soi, d'être un chauffeur blanc trimballant sur les routes du sud un pianiste noir. Et ils étaient obligés donc à l'époque de se munir de ce fameux Green Book, donc le livre vert, qui était un guide édité dans les années 40 et édité jusqu'en 1967, puisque la loi de 1964 l'a rendu ensuite un peu caduque. Et ce guide en fait répertoriait les lieux qui étaient ouverts aux personnes de couleur, par opposition bien sûr aux lieux qui étaient ouverts aux personnes de couleur blanche, évidemment. Ce guide était très important pour les gens de couleur qui voulaient voyager dans de bonnes conditions dans le sud des États-Unis, parce que se tromper d'établissement, que ce soit les hôtels, les cafés, les diners, les bars, quand on était noir, et ben c'était risqué de se faire au mieux arrêter, au pire passer à tabac, voire pire. Donc c'était un guide qui connaissait un certain succès, mais qui était aussi révélateur de la difficulté du vivre ensemble dans les États, surtout du Sud, mais ça devait valoir aussi quelquefois pour les États du Nord sur ce genre de ségrégation. Donc ce film mettait en valeur ce pianiste Don Shirley, qui est assez peu connu encore de nos jours. Le film l'a remis un petit peu en avant, mais il reste un pianiste assez particulier dans l'histoire du jazz aux États-Unis, mais pas seulement du jazz, parce qu'au départ c'est un pianiste classique. C'est un pianiste qui a eu vraiment une grande renommée, notamment dans la région de New York et dans le nord des États-Unis, en tant que concertiste classique, où il jouait assez souvent du Chopin, du Debussy, des pianistes comme ça, mais qui avait aussi l'envie de mélanger un petit peu ce style musical classique avec l'héritage du jazz qui le fascinait, qui l'intéressait au plus haut point. Et donc il se lançait souvent dans des improvisations à partir d'œuvres classiques ou à partir d'œuvres de jazz, dans un sens ou dans l'autre. Quand c'était du classique, il le portait vers le jazz. Quand c'était du jazz, il le portait vers le classique. Et on peut dire quand même qu'il a eu une influence assez importante, puisque il y a certainement un pianiste dans les oreilles duquel cette influence et ce jeu entre le classique et le jazz ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. C'est bien sûr Billy Vance, qui lui-même a révolutionné, comme on l'a vu dans des émissions récentes, le jeu de piano avec son trio, en y incorporant justement du classique. Billy Vance a sûrement été très influencé par Don Shirley. Donc dans la musique du film, on entend pas mal d'œuvres de Don Shirley reprises par un pianiste moderne, parce que malheureusement c'est vrai que les enregistrements de Don Shirley ne sont pas toujours d'une qualité sonore exceptionnelle. Ils datent pourtant des années 50, mais même s'il était un grand pianiste, il n'a pas eu l'aide d'une belle maison de disques, d'une grande maison de disques et de bons ingénieurs du son pour graver ses musiques. Et malheureusement, il y a eu pas mal de rééditions, y compris récemment d'ailleurs, de certains de ses albums, mais qui ne sont pas d'une qualité sonore exceptionnelle. Donc c'est pour ça qu'on va écouter sa version du Lullaby of Birdland, qui est un grand standard. Lullaby of Birdland, un morceau écrit par George Shearing sous sa version instrumentale, et on y reviendra tout à l'heure parce qu'on va avoir plusieurs versions de Lullaby of Birdland à suivre. Dans le film, elle est interprétée par Chris Bowers et son trio, mais Chris Bowers a tenu à rester proche de la manière dont le jouait Don Shirley, donc on pourrait dire quelque part que c'est la version de Don Shirley qu'on va écouter. Lullaby of Birdland, donc extrait du film Green Book. C'était Chris Bowers interprétant le Lullaby of Birdland de George Shearing dans une version adaptée de celle que jouait à l'époque Don Shirley Trio dans les années 50. Donc vous l'avez bien entendu, très influencé par la musique classique. Ça commence un petit peu presque romantique à la Chopin ou Debussy, et puis tout d'un coup on se retrouve face à une fugue de Bach presque, et puis ça évolue encore vers quelque chose qui va presque vers du Gershwin, etc. Enfin bon, vraiment en l'espace de 3 minutes on a un standard du jazz qui est complètement revisité par le pianiste, et c'est cet arrangement de Don Shirley donc qui est rejoué dans le film Green Book que l'on a évoqué tout à l'heure. Donc Lullaby of Birdland, c'est un morceau qui est vraiment incontournable dans l'histoire du jazz. Un morceau écrit, donc, je vous l'ai dit, par George Shearing en 1952. En fait, c'est son premier enregistrement qui date de 1952, mais le morceau a été écrit un tout petit peu avant. Il a été en fait commandé à George Shearing, qui était chef d'orchestre et pianiste à l'époque, pour l'ouverture du club Birdland à Manhattan, à New York, par son propriétaire, Maurice Levy. Et c'est sur sa demande donc que George Shearing écrit ce thème musical qui va devenir un petit peu le passage obligé pour tout musicien qui joue dans ce club. C'est un petit peu le morceau emblématique. Et donc, il l'enregistre dès 1952, George Shearing, avec son ensemble, mais ce premier enregistrement connaît un joli succès déjà, mais surtout il sera très connu un an plus tard, en 1953, à la suite de la performance de Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Charles Mingus, Bud Powell et Max Roach, qui jouent ensemble au fameux Massey Hall de Toronto et enregistrent là-bas ce live qui s'appelle Live Jazz at Massey Hall, et qui aura un énorme succès avec ce thème principal de la Love by Birdland qui se trouve dans cet album. Et puis ensuite, le morceau évoluera avec un texte qui sera écrit par George David Weiss sur ce thème, et donc chanté dès 1954 et devenu un gros succès par Sarah Vaughan. On l'écoutera tout à l'heure d'ailleurs par Sarah Vaughan, et puis ensuite plein de gens le reprendront. Ça deviendra vraiment un incontournable, un classique du jazz, de Quincy Jones à Lester Young, en passant par Stan Getz, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Count Basie, et plus près de nous, China Moses, qui l'a enregistré avec André Manoukian ou Didier Bridgewater, sa maman aussi, qui l'a fait. Et il y a même une version étonnante par Bill Haley et ses Comets, dans une version un peu twist, comme il se devait à l'époque, au début des années 60. Mais pour l'instant, on va écouter une version qui n'est pas la version originale de George Shearing, mais qui est bien par George Shearing lui-même. La version originale, c'est pareil, l'enregistrement n'est pas de super, super qualité. Mais en 1961, il la réenregistre, d'ailleurs il l'a réenregistré au moins une dizaine de fois au fil de sa carrière, en compagnie de Cal Tjader au vibraphone, Dennis Best à la batterie et Toots Thielemans à la guitare. C'est étonnant d'entendre Toots Thielemans à la guitare, parce qu'on le connaît plus comme harmoniciste. Toots Thielemans, qui était déjà un grand nom dès 1961 aux États-Unis, mais à l'époque qui jouait aussi bien de la guitare que un peu d'harmonica, mais on était plus en demande de guitariste à l'époque que d'harmoniciste. Donc sur cette session-là, il est guitariste derrière donc George Shearing, Cal Tjader et Dennis Best, et ils enregistrent cette version donc de Lullaby of Birdland qu'on va écouter tout de suite. Thank you. Voilà, c'était George Shearing, donc lui-même, interprétant sa propre composition Lullaby of Birdland en 1961 avec Cal Jader au vibraphone, Dennis Bess à la batterie et Toots Thielemans à la guitare. Vraiment une belle version, très classique, mais voilà. Et maintenant, donc, on va écouter une version chantée de ce morceau-là. Cette version, c'est donc la première en fait qui a été enregistrée dès 1954 et sortie en 1955 sur son premier album par Sarah Vaughan, un album qui à l'époque s'appelait simplement Sarah Vaughan, avec un très beau portrait de Sarah Vaughan en noir et blanc sur la pochette et son nom en bleu. Et puis au fil des années, on y a rajouté le nom de l'accompagnateur principal. Ça a été réédité sous le nom de Sarah Vaughan et Clifford Brown, notamment. Qui ont enregistré donc cette version donc en une seule journée, tranquillement. Tout l'album d'ailleurs a été enregistré en une seule journée, le 18 décembre 1954 au studio Fine Sound de New York, et avec un quintet absolument incroyable, puisqu'il y a Clifford Brown à la trompette, Paul Kinichet au sax, Herbie Mann à la flûte, Jimmy Jones au piano, Joe Benjamin à la basse et Roy Haynes à la batterie, ce qui fait donc un sextet d'ailleurs et non pas un quintet, plus donc Sarah qui chante devant et qui fait vraiment une version dès la première version. C'est vraiment presque la version de référence, même s'il y a eu plein d'autres versions chantées après. Celle-ci reste quand même la version de base et bon, elle a pratiquement jamais été égalée dans les versions qui ont suivi. On l'écoute tout de suite, donc Lullaby of Birdland, version de Sarah Vaughan en 1955. What I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of Birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go. Flying high in Birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Doom doom be you be bo do be do be did ya bum da ba do be do be ah. Somebody be do ya bo doom did you do be da ba di ba di be di ya dim di be ah do be do be ah. Ba ba ba be be be be doop ti ba da ba be ya be ya ba ba ba de ya. She ya ya ya ba ba we ya de be de ya do be you be do ba ya de bo do ba do be de ya. So be de ya doop shoot your doop, shabby dooby, shababa doop, diddy hoopa. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby a birdland, whisper low, kiss me sweet, and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Sarah Vaughan, une voix qui sait tout faire avec beaucoup de simplicité, sans jamais chercher les sbrouffes. C'est vraiment un vrai bonheur de réécouter cette belle voix. Donc en 1955, sa version donc de Lullaby of Birdland, sur laquelle donc George Weiss avait rajouté un texte dès 1952 sur la composition de George Shearing. Et vraiment un bel orchestre derrière qui, pareil, en fait juste assez, tout ce qu'il faut. C'est du bonheur. Et c'est vraiment une très très belle version. On va clore ce chapitre autour de Lullaby of Birdland avec une version enregistrée en France la même année. C'est la version des Blue Stars. Alors, les Blue Stars, c'est un petit groupe vocal créé par la chanteuse et pianiste américaine qui vivait en France à l'époque, Blossom Dearie. Elle crée ce groupe vocal avec l'aide de Nicole et Eddie Barclay. Elle recrute différentes personnes autour d'elle. Donc il y a Christiane Legrand, la femme de Michel Legrand, Janine de Wallen, Blossom Dearie bien sûr, elle-même Nadine Young, Ward Swingle qui fondera plus tard les Swingle Singers, Christian Chevalier, Jean Mercadier et Roger Guérin. Et ces gens-là vont un petit peu révolutionner l'art de faire du chant en France, puisque leur album aura un énorme succès à l'époque. Et que petit à petit, les chanteurs de variété vont de plus en plus faire appel à eux pour faire les arrangements, en compagnie d'ailleurs de Michel Legrand, qui fait les arrangements d'ailleurs vocaux de ces albums, en compagnie de Christian Chevalier. Et petit à petit, en fait, ils vont remplacer dans les studios d'enregistrement les choristes qui accompagnaient les chanteurs de variété et qui petit à petit vont tomber en désuétude, parce que ces choristes, c'était des choristes classiques généralement, c'est des gens qui venaient des chœurs d'opéra, etc., et qui faisaient les chœurs. Alors c'est souvent un petit peu en poulet, un petit peu travaillé à la manière des chœurs de musique classique ou d'opéra. Donc c'est tombé un petit peu en désuétude, parce que ces Blue Stars ont amené un petit peu de fraîcheur là-dedans, et ils ont été choristes pour plein de gens, dont des Charles Aznavour, Michel Legrand bien sûr à l'époque, et puis plein d'autres, et ils sont devenus des incontournables un petit peu des studios français à l'époque pour accompagner les chanteurs de variété. Donc on va écouter leur version donc de Lullaby of Birdland, enregistrée donc la même année que Sarah Vaughan, mais vous allez voir, la tonalité est un petit peu différente. Quand elle s'ennuie dans sa mansarde, Lola vient écouter le murmure des fontaines qui bavardent à travers les prés et les rosées. Elle lui raconte la légende du pays aux oiseaux, et pour mieux l'entendre, Lola se penche à long des roseaux. Fabuleuse, où des oiseaux par milliers ont une île miraculeuse, s'envolent éparpillés, dispersés, ils promènent au vent dans le sillage de leurs ailes, voyageuses, des millions de plumes dans un nuage de caresses, amoureux. Angéola se couche, éblouie près de l'eau. Pour attendre un volant, le chant des sources, le murmure lancinant des ruisseaux qui parcourt des plaines et des longs. Dans ce jardin enchanté, oh, la la sonore frissonnante, à la fraîcheur d'une allée, parfumée, des grisées de l'odeur des fougères, elle rêve à celui qui transformera pour elle le verre en baiser pour la vie. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut nous paraître un petit peu naïf cette façon de chanter, etc. Ça nous rappelle un peu les films de Walt Disney d'époque et tout. Mais à l'époque c'était, voilà, c'était révolutionnaire. On n'avait pas chanté comme ça en France auparavant. Et ces arrangements un peu jazz, etc. avec ces voix très travaillées, hein, parce qu'il y a un boulot de un petit peu de dingo quand même derrière. C'était vraiment original, nouveau. Et voilà, c'est comme ça que les Blue Stars sont devenus un petit peu un groupe incontournable pour accompagner les chanteurs de variété par la suite. Et plusieurs des membres d'ailleurs de ce groupe ont fondé après le groupe des Double Six, qui ont été produits par Quincy Jones et qui ont continué sur ce même style, mais avec encore un côté beaucoup plus technique, parce que ça chantait à 200 à l'heure avec des arrangements très complexes dans les Double Six. Et vraiment, c'était voilà, un style très très français qui a connu d'ailleurs un joli succès aux États-Unis. Voilà, on referme sur cette version donc des Blue Stars de ce chapitre sur Lullaby of Birdland. C'est vrai que c'est toujours sympa d'aller chercher un petit peu dans l'histoire du jazz ce qui s'est passé autour d'un titre comme ça. On l'avait fait il y a pas longtemps avec Nardis de Miles Davis, et bien là c'était le tour de Lullaby of Birdland, et puis on reviendra certainement de temps en temps comme ça sur des titres dans des versions différentes. On va passer maintenant au coup de cœur avec les nouveautés qui continuent de sortir en ce mois de février, et on va aller faire un petit voyage du côté de l'Arménie, puisqu'il y a deux coups de cœur qui sont faits par des musiciens arméniens. Notamment le premier, qui est celui du nouvel album de Tigran Amassian, le pianiste déjà multi-récompensé un petit peu partout et dont on a déjà fait des morceaux en coup de cœur au fil des années dans cette émission. Eh bien, Tigran Amassian sort un nouvel album qui s'appelle Manifeste, et dedans on retrouve son habituel mélange entre musique jazz, des mélodies et des styles issus du folklore arménien, et puis parfois des petites touches un peu plus rock, voire rock progressif. C'est un fan de rock progressif, alors il aime bien complexifier de temps en temps ses compositions avec des passages avec des grosses guitares qui tapent un peu. C'est pas forcément l'aspect que je trouve le plus intéressant de ses compositions, mais il y a vraiment de belles choses quand même dans ce qu'il fait, et notamment dans le morceau qu'on va écouter là, qui s'appelle One Body, One Blood, un corps, un sang, et qui est plus influencé par les tonalités de la musique arménienne sacrée, qui est aussi un gros composant de ses racines musicales, et donc ce morceau là est plus dans cette tonalité là, qui est la tonalité que je préfère, en plus de la tonalité jazz dans son jeu de piano et dans ses compositions. Tigran Amassian, donc One Body, One Blood. Thank you. On a fait un petit saut quantique quand même entre les Blue Stars et puis Tigran Amassian. Hein, on garde le côté vocal, mais on a changé complètement de dimension. Vraiment un très très bel album sur ce genre de plage. Là, c'est vraiment très beau. Et ça évoque vraiment, on a l'impression de voir des paysages arméniens là-dedans. Il faut savoir que l'Arménie continue de lutter malheureusement dans une guerre un peu compliquée avec son voisin azerbaïdjanais. On sent que tous les musiciens qui ont l'âme arménienne se liguent un peu pour faire parler musicalement de leur patrie, notamment donc Tigran Amassian qui signe ce magnifique album Manifeste. Où il est accompagné de collègues arméniens d'ailleurs, puisqu'il y avait Marc Karapetian à la basse, Arman Natsakanyan, excusez-moi, à la batterie, Artyom Manoukian au violoncelle, Daniel Melkonian à la trompette et un guitariste du nom de Nick Lerandi. Et puis là, c'était le chœur de chambre d'État d'Erevan qui l'accompagnait pour la partie vocale. Vraiment une très belle plage. Tout n'est pas dans ce style-là dans l'album, mais bon voilà, il y a quand même des beaux passages comme ça. Donc je vous le disais, une autre artiste arménienne, elle sort aussi son album en même temps, c'est Victoria Aleksamian qui est chanteuse et qui sort un album qui s'appelle Vishap, qui veut dire en arménien le dragon. Donc elle y est accompagnée par des musiciens assez divers. Elle, c'est pas que des musiciens arméniens. Il y a Amin Alaïedi au oud, Vincent Forestier au piano, Yann Fafet à la contrebasse et Matteo Siesla à la batterie, le tout enregistré par le pianiste Tony Palman, qu'on a déjà pas mal écouté dans cette émission au fil du temps. Voilà, c'est une musicienne qui a essayé au fil des années de mélanger comme ça aussi à travers sa formation, parce qu'elle a fait des écoles de jazz, des écoles de musique traditionnelle, des écoles de chant traditionnel arménien voilà, elle a essayé de mélanger un petit peu tout ça avec aussi de la chanson française, puisqu'elle avait sorti dès 2020 un petit EP de 4 chansons qui étaient plus proches de la chanson française que ce qu'on va écouter maintenant. Voilà, avec son nouvel album où elle est accompagnée donc de tous les musiciens que je citais, elle a essayé de faire le lien entre tout ça, et on retrouve quand même une ambiance assez proche de ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure chez Tigran Amassian, une ambiance vraiment vraiment arménienne. Le morceau qu'on va écouter, extrait de cet album, donc Vishap, ça s'appelle Nouveau Désordre en français dans le texte, et vous allez voir, c'est vraiment une très très belle plage, aussi très très vaporeuse aussi, un petit peu comme celle de Tigran Amassian. Nouveau Désordre, c'est donc Victoria Aleksanian que l'on écoute tout de suite. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, C'était donc Victoria Alexamian, j'ai du mal là. Voilà, sur ce nouvel album qui s'appelle Vishap, signifiant le dragon, et le morceau s'appelait Nouveau Désordre. Vraiment une très belle réussite avec un morceau qui évolue au fil du temps et vers quelque chose de vraiment très rythmique sur la fin, mais beaucoup plus cool au début. C'est vraiment une belle réussite. Que cet album qui est un petit peu tout dans cette tonalité-là, donc qui vient juste de sortir chez Inouï Distribution, un tout petit distributeur en plus. Donc voilà, on souhaite une belle réussite. On va explorer un petit peu avec la rubrique à bac à disque toutes les nouveautés qui sortent en ce moment. Il y en a toujours pas mal et dont on n'a pas parlé par ailleurs. Il y a un nouvel album du pianiste Paul Lay qui sort ces jours-ci, qui s'appelait le Waves of Light. Un nouveau Bell Bird aussi qui s'appelle The Call. Et puis le batteur Sonny Troupé qui sort lui aussi son nouvel album qui s'appelle Heavy Dance et qui est vraiment une belle réussite aussi. On y reviendra certainement là-dessus. Et puis il y a aussi toujours beaucoup de beaucoup de rééditions qui arrivent dans les bacs, principalement en vinyle, des choses qui étaient soit pas sorties à l'époque, soit plus disponibles depuis longtemps, notamment un Jimmy Smith qui s'appelle Bashing, un Sonny Gross, une anthologie de Sonny Gross, c'est pas tous les jours qu'on en trouve de ces albums. On en parlait tout à l'heure, Clifford Brown, le trompettiste, aussi une réédition de son album en duo avec Max Roach, Brown and Roach Incorporated, réédition également de Benny Green, Back on the Scene, et puis une petite curiosité fort sympathique, un album de John Lewis, le pianiste du Modern Jazz Quartet, en compagnie de Sacha Distel, enregistré au début des années 60, Sacha Distel en tant que guitariste de jazz, et non pas en tant que chanteur. L'album s'appelle Afternoon in Paris, et à l'époque, Sacha Distel, avant de se tourner complètement vers la variété, connaissait une jolie petite carrière de guitariste de jazz, voilà, c'est l'occasion de pouvoir le réécouter en tant que tel dans cet album enregistré avec le pianiste John Lewis. Voilà pour les quelques sorties qu'il y a en plus de toutes celles dont on vous parle, et puisqu'on en parle, et ben on va revenir sur une de ces sorties assez intéressante également, c'est celle de l'album Dignity d'une franco-allemande, Isabelle Bodensee, qui est flûtiste de son état, et qui joue pas mal de flûtes différentes, flûtes traversières, mais aussi flûtes basses, ce qui est une flûte assez originale. Dans sa forme, elle rappelle un petit peu le trombone, parce que c'est une flûte qui est avec un arc de cercle comme ça. On souffle du petit côté de la flûte, et puis il y a le grand côté au bout d'un arc de cercle sur lequel on pose ses doigts pour faire les notes, et c'est un instrument assez impressionnant et dont elle use avec beaucoup de facilité. L'album qu'elle sort là est enregistré avec un joueur d'Orgamond, Thomas Bowser, un guitariste Johannes Mike Rantz, et Lars Binder à la batterie. Voilà, elle y joue des morceaux qui sont aussi bien influencés par le jazz européen que par des petites influences cubaines par moment. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Verve, c'est donc la cinquième partie de la suite for Dignity, la suite pour la dignité qu'elle a composée pour cet album, et vous allez voir, c'est vraiment très intéressant comme jazz, à la fois un peu intellectuel, mais en même temps très aérien, très très enlevé. Isabelle Bodensee, donc, dans le titre Verve. Thank you. Voilà, c'était donc ce titre Verve de Isabelle Bodensee à la flûte. Très beau morceau avec un très beau son d'orgamonde aussi derrière. C'est vrai que le contraste entre le son grave de l'orgamonde et les flûtes d'Isabelle Bodensee est vraiment, vraiment très très beau. C'est extrait donc de cet album Dignity qui vient juste de sortir là dans les bacs. Bel album. Tout l'album est dans cette tonalité-là. Pardon, excusez-moi, je bafouille aujourd'hui. Et vraiment une belle réussite. On va passer maintenant à l'agenda concert avec pas mal de choses qui ont lieu dans les jours qui viennent, puisque nous avons le 12 février, donc cette semaine, Yom et Sekaldi qui passent au Petit Faucheux. Je vous rappelle que ce dont on avait parlé, Dick Hanegar, nos bateaux ivres, le 14, s'est repoussé au 18 juin. On en avait parlé il y a environ un mois, donc c'est repoussé, mais ce n'est que pour mieux sauter, certainement sauter en l'air avec Dick Hanegar. Le 19 février, il y a Milokan, toujours au Petit Faucheux, aussi un mélange de musique jazz et de musique de la Réunion, certainement là encore une belle expérience en perspective. Le 6 mars, toujours au Petit Faucheux, il y aura une session de Lou Tavano, la chanteuse, avec Guillaume de Chassy et Florent Nice, qui viendront un petit peu nous présenter des nouveautés. 18 mars, Jeanne Haddad avec Vincent Le Kang et Bruno Ruder. Là, ça sera à l'Olympia, Théâtre Olympia à Tours également. Et puis, je vous rappelle que tous les lundis, dans le café musical, on va dire, qui se trouve rue de Châteauneuf à Tours, le Strapontin, tous les lundis, vous avez un concert de jazz qui a lieu à partir de 20h30, 21h, et on y découvre toujours des petites formations sympas, et c'est vraiment un moment à passer là-bas où vous pouvez dîner, boire un coup, etc., en écoutant du jazz de très très belle qualité. Donc tous les lundis, c'est pas compliqué à retenir, tous les lundis, rue de Châteauneuf à Tours, c'est vraiment un bel endroit pour aller écouter du jazz tranquillement. Voilà pour cet agenda concert. On va maintenant passer au morceau final de cette émission avec un trompettiste qui n'est autre que Lee Morgan, qui voit son album de 1958 City Lights réédité. Très très bel album, un des premiers qu'il a fait, puisque le jeune homme n'avait que 19 ans quand cet album est sorti. Donc ce City Lights qui le voit jouer aux côtés de Curtis Fuller au trombone, George Coleman au sax, Ray Bryant au piano, Paul Chambers à la basse et Art Taylor à la batterie. Vraiment un très très très bel album et un très très beau sextet qui envoie tranquillement, tout swing tranquille, swing lumineux, on peut le dire. Là-dedans, on retrouve la patte notamment sur trois compositions de Benny Golson, qui était vraiment le mentor de Lee Morgan, mais le morceau qu'on va écouter, lui, est une composition de Gigi Grice qui s'appelle Kinfolks, qu'on va écouter tout à l'heure, et je vais vous souhaiter à tous une très belle soirée avec, à la suite de cette émission, donc toujours notre playlist Jazz Amataz avec tout un tas de musique jazz et groove pour continuer pendant une heure le voyage musical. Je remercie Vincent qui a encore assuré la technique avec Brice. Et puis si vous voulez nous laisser des petits messages, et vous nous envoyez un petit mot sur Facebook, sur Osez Jazz à tous les étages, ou sur Instagram, c'est Osez Jazz tout court. Vous pouvez aussi réécouter ces émissions, bien sûr, sur le site www.radioactivefm.fr, où vous retrouvez tous les podcasts des émissions et des anciennes émissions aussi. Voilà, merci à tous de nous avoir encore écoutés. On vous laisse avec Lee Morgan, extrait de City Lights. Le morceau s'appelle Kinfolks. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, que le jazz soit avec vous. Thank you. Thank you.